de chez nous. Ton passé, c'est la Russie. Tu dois être un peu perdu au milieu de nous autres ici. Peu importe d'où tu viens, tu as fait le choix de rester. Les sillons de ton destin se graveront dans ma vallée. Car sur la route de l'Est, vos regards se sont croisés, vos cœurs ont lâché du lest, et vos pas se sont emmêlés. Blanche, c'est comme son cœur balance quand tu montes sur les planches. Un jeune homme brave est à neige, répondant au nom de Guillaume. Il errait dans vos de quelques diplômes. Malgré vos différends, son histoire est devenue tienne. Il aura suffi d'une danse pour que le grand amour advienne. Que les vents de Britannie emportent l'écho de jusqu'aux plaines de Russie, où sont restés tes souvenirs. Danse, Irina, danse, que tourne ta robe blanche. Tu sais comme son cœur balance quand tu montes sur les planches. Danse, Irina, danse, que tourne ta robe blanche. Tu sais comme son cœur balance quand tu montes sur les planches.